La vie nouvelle de Madame Jolin, Stéphane d'Enfer. Stéphane avait deux bonnes raisons de rentrer chez lui avec le sourire. On était vendredi soir, et comme il a terminé ce qu'il voulait faire au bureau, il a pu partir plus tôt que prévu. Et quand il a dit au revoir à son chef, celui-ci lui a glissé que la promotion qu'il espérait était en bonne voie. Stéphane a eu son train sur le champ, avec une place assise. À présent, il finissait son trajet à pied, tranquillement, en savourant ce qui était une des premières belles journées de printemps, et en sifflotant sa bonne humeur. Le temps devait se maintenir au beau fixe pendant le week-end, et lui et Alexia n'avaient quasiment aucune corvée en vue. Ils allaient pouvoir se détendre en prenant l'apéro sur la terrasse de l'appartement, en planifiant les loisirs du week-end. En débouchant sur le parking de l'immeuble, il constata qu'Alexia était déjà rentrée, mais qu'elle avait une fois de plus mal garé la voiture, laquelle empiétait sur la place de leur voisine de palier, Madame Jolin. Ce n'était rien, pas de quoi récupérer les clés et descendre pour mieux la garer. Il rappellerait quand même à Alexia de faire attention la prochaine fois. Quand il arriva dans le hall, Stéphane avait déjà totalement oublié cette histoire de voiture mal garée, et il se remit à siffloter. Alexia, qui avait elle aussi passé une excellente journée, était ravie à l'idée de prendre l'apéritif sur la terrasse. Elle et Stéphane se mirent à préparer le dîner de façon, à vrai dire, plutôt distraite, sans cesser de bavarder gaiement. Ils devenaient peu à peu de plus en plus tactiles. Si nous les avions laissés faire 10 minutes plus tard, on les aurait retrouvés par terre, à poil, leurs fringues éparpillées autour d'eux, ayant laissé en plan la préparation du dîner, en train de s'enfiler. Ils étaient comme ça, ces deux-là. Ils s'aimaient et ils étaient chauds. Indifférents à ce qui se passait autour d'eux, ils n'avaient pas entendu le bruit de tôles froissées en provenance de l'extérieur. Quelques instants après, ils furent tirés de leur prometteuse occupation par la sonnette de la porte que l'on actionnait de façon répétée. C'était la dite Madame Jolin, la voisine de palier. Agacés d'avoir été interrompus en pleine action, ils se rajustèrent dard-dard. Madame Jolin, une quinquagénaire aux manières bourgeoises, avait de beaux restes, en particulier de gros seins pointant bien droit. Son mari, M. Jolin, était lui un type chétif, binoclard, chauve, dont la principale caractéristique était d'engager des procédures diverses et variées contre le syndic qui dépensait trop d'argent, mais laissait l'immeuble se délabrer. La mairie qui n'entretenait pas les trottoirs comme il le fallait et dont les travaux de voirie duraient depuis trop longtemps. Les enfants qui faisaient du bruit en jouant dans le square à côté, les hommes qui voulaient se marier entre eux. Stéphane et Alexia, qui eux n'étaient pas propriétaires, tenaient de source sûre que les réunions de copropriété duraient jusqu'à 3 heures du matin minimum, du fait des demandes d'explications complémentaires de M. Jolin sur chaque point de l'ordre du jour, qui avait déjà triplé de volume grâce aux points additionnels qu'il avait fait inscrire. Au bout du compte, il votait systématiquement contre toute proposition de dépense, y compris lorsque c'était lui-même qui l'avait formulée. Mais en la circonstance, ce n'était pas M. Jolin, l'auteur des coups de sonnette, mais Mme Jolin. Stéphane et Alexia, en ouvrant la porte, furent contents d'avoir affaire à l'épouse et non au mari procédurier. Mme Jolin avait l'air complètement affolée. Stéphane lui demanda ce qu'elle désirait. Elle répondit en avalant ses mots et en bafouillant « Je suis désolée, c'est pas ma faute, mais... » « Oui, Madame Jolin. » Puis elle cracha d'un coup ce qu'elle était venue dire. « J'ai embouti votre voiture. » Stéphane et Alexia se précipitèrent à la fenêtre qui donnait sur le parking, suivie de Madame Jolin, qui jurait ses grands dieux qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas fait exprès, encore heureux. Ils constatèrent que le pare-choc traînait par terre, que l'arrière de leur caisse, complètement emboutie, ressemblait à un accordéon. Autant dire que leur projet de balade à la mer ou à la campagne, qui habituellement débouchait sur des parties de baise sauvage dans les dunes ou les prés, était fortement compromis. À la place, plein d'ennuis. Aller chez le garagiste, peut-être devoir trouver une dépanneuse. Mais bon, ça ne servait à rien de s'énerver, on allait arranger ça. « Installez-vous sur le canapé. Chérie, sers donc quelque chose à boire à Madame Jolin. » Ils étaient de si bonne humeur avant l'irruption de leur voisine qu'ils n'arrivaient pas à transitionner brutalement vers la colère ou quelque autre état d'esprit négatif. Et puis, ils avaient intérêt à régler ça directement et discrètement avec Madame Jolin. Il fallait autant que possible éviter d'y impliquer Monsieur Jolin. Il voyait parfaitement ce raseur procédurier faire traîner en longueur le règlement de l'affaire, aller découvrir qu'Alexia avait mal garé la voiture, à peine, et dire que c'était elle la responsable et qu'en outre, elle devait payer les réparations de la voiture Jolin. Sans se concerter, Stéphane et Alexia étaient d'accord sur ce point. Essayer de régler cette affaire rapidement en évitant de brusquer Madame Jolin et en tentant de se la mettre dans la poche. Je vais chercher un constat. À ces mots, Madame Jolin paniquait, jaillit du canapé et agrippa Stéphane pour l'interrompre dans son mouvement. On peut s'arranger autrement. On ne va pas faire de la paperasse inutile. Stéphane et Alexia, intrigués, la pressaient de questions. Pourquoi pas de constat? C'est bizarre, c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Elle finit par leur lâcher qu'en fait, elle avait eu tellement d'accidents que si elle en déclarait un de plus, elle n'avait plus d'assurance. Après quelques instants de silence, elle reprit. En réalité, je n'ai plus d'assurance depuis une semaine. Là, ça sentait les emmerdes pour de bon, avec en perspective de la paperasse à n'en plus finir. Chez Stéphane et Alexia, la bonne humeur du début de soirée s'était définitivement dissipée dans les airs. On fait comment alors? Tu veux nous rembourser directement les frais de réparation? Il y en a pour un paquet, apparemment. Alexia venait de passer au tutoiement, mais Madame Jolin n'avait pas tiqué. Elle était suffisamment dans la mouise. Elle expliqua que non, elle n'avait pas assez d'argent et il ne fallait pas que son mari l'apprenne. Il surveillait tous les comptes. « Mais, ajouta-t-elle, je peux peut-être vous rendre service, venir faire le ménage gratuitement ?» Stéphane et Alexia se regardèrent. Ce n'était pas sérieux. Ils lui déclarèrent que non, ils avaient déjà une femme de ménage et qu'au prix des réparations, elle en aurait pour des années de ménage. En plus, se disait-il intérieurement, pour exécuter du travail de qualité, ils auraient moins confiance en elle que dans une professionnelle. Madame Jolin, dans son désarroi, insistait. « Vous n'avez pas des peintures à refaire, du carrelage à poser ?» Ça devenait franchement n'importe quoi. « Et si je vous faisais un gâteau ?» Alexia finit par s'énerver. Ça devenait du foutage de gueule caractérisé. « Bon, ça fait 10 minutes que tu nous mènes en bateau. Maintenant, tu arrêtes les conneries et tu nous trouves un moyen de nous payer les réparations. C'est ça où on appelle les flics. »« Non, ne faites pas ça. Alors tu sors le fric. » Madame Jolin, la bourgeoise hautaine et propriétaire avec sa grosse voiture allemande, sa maison de vacances à Trouville, qui leur adressait à peine la parole, se montrant envers eux, simple locataire, d'une politesse neutre et froide quand il la saluait, pleurnichait. « Mais je n'ai pas cet argent !» Alexia sortit son téléphone. « Bon, j'appelle les flics. »« Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je ferai ce que vous voudrez. On va trouver un arrangement, j'en suis sûre. » Stéphane, qui, depuis un moment, ne disait mot, chuchota à l'oreille d'Alexia. « Tu ne m'as pas dit un jour que tu étais attirée par la poitrine de notre voisine ?» Alexia répondit, elle aussi chuchotant, mais sur un ton passablement énervé par ce qu'elle croyait être une tentative de sabotage. « Oui, mais je vois pas le rapport. Tu ne vas pas te mettre à la défendre, merde !»« Mais non, je ne veux pas la défendre. Il m'est seulement venu à l'esprit qu'on pourrait abuser, profiter de la situation. »« Oh !» Certes, ce qu'ils allaient faire n'était pas éthique. Mais elle leur avait embouti leur voiture, bousillé leur week-end et n'avait manifestement pas d'idée sérieuse sur la manière de réparer les dégâts qu'elle avait causés. Alexia s'approcha de Madame Jolin avec un sourire mauvais. « Tout ce qu'on veut !» Madame Jolin ne pouvait deviner ce qu'ils avaient derrière la tête, mais elle avait compris qu'après ce petit aparté, elle était désormais dans de sales draps. Elle répondit d'une petite voix plaintive. « Oui ?» Alexia lui intima de se mettre debout et lui tourna autour lentement, la matant de haut en bas, laissant traîner ostensiblement son regard sur ses seins, sur son cul. Quand elle eut achevé son petit tour du propriétaire, « Vraiment ?» Madame Jolin était de plus en plus mal à l'aise. Elle avait l'impression d'être nue face à ses voisins. D'une voix ténue, encore plus plaintive, elle répéta. « Oui ?» En réponse, Alexia lui hurla dessus. « À poil !» Madame Jolin ne réagit pas. « Je t'ai dit de te foutre à poil !» Madame Jolin essaya de retrouver un semblant de contenance. « Mais je ne vous permets pas. Tu avais bien dit qu'on allait trouver un arrangement, n'est-ce pas ?»« Oui, mais enfin, quel rapport ?» Alexia l'interrompit, se remettant à lui tourner autour. « Je vais te l'expliquer, moi, le rapport. » Tu emboutis notre voiture, tu n'es pas assuré, tu ne veux pas nous donner l'argent pour les réparations. Mais ça n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Tu n'as aucune offre sérieuse à nous proposer pour nous indemniser. Alors le rapport, c'est que comme tu l'as dit, on va quand même trouver un arrangement. Et comme tu l'as toi-même proposé, tu vas faire tout ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est que tu nous rembourses avec ton cul. Ça va être ça l'arrangement, salope. En prononçant ces derniers mots, elle joignit le geste à la parole, en empoignant une des fesses de Madame Jolin. Celle-ci se repassait en boucle la scène de l'accident. Si elle avait fait plus attention, elle ne serait pas là chez cette horrible voisine lesbienne qui voulait lui faire subir Dieu sait quoi. Elle ne voyait pas comment s'en sortir. Impossible de mettre son mari au courant de l'accident. Il lui ferait des reproches jusqu'à la fin de ses jours. Quelques secondes d'éternité. Capitulation de Madame Jolin. Elle enleva lentement son tailleur-jupe, béjasse, son foulard à pois, son chemisier opaque, ses chaussures à talons. En dessous, elle portait une combinaison en dentelle blanche, qu'on pourrait décrire comme « chic sans pour autant faire salope », ou encore « sexy mais digne ». Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration. C'était un vrai cauchemar et ça ne faisait que commencer. Ignorant les tourments intérieurs de Madame Jolin, Stéphane, qui avait observé la scène d'abord avec curiosité, puis avec une gourmandise de plus en plus prononcée, se glissa derrière elle. Il lui mit ses mains sur la taille, les remontant en la caressant. Il dégagea de la combinaison les voluptueux et volumineux seins de sa voisine pour les présenter à sa belle. « Regarde comme elle a de beaux nichons, je comprends qu'il te fasse de l'effet. » Puis, s'adressant à la personne en possession desdits nichons, « Mes compliments, Madame Jolin, ce sont deux très belles pièces que vous nous montrez là. » Madame Jolin croyait vivre un cauchemar, disions-nous. Mais quand cet homme avait posé ses mains sur son corps, elle avait été bouleversée par le désir qui montait en elle. Stéphane la palpait de ses grandes mains fermes et viriles. Sa verge était en érection dans son pantalon quand elle était entrée. Cela, Madame Jolin l'avait deviné. Cet homme, jeune et beau, irradiait la toute-puissance sexuelle. Au moment où ses mains lui touchèrent ses gros seins, elle s'avoua à elle-même son envie qu'il la prenne. Non seulement elle acceptait son sort, mais elle le désirait. Oui, non seulement elle acceptait, mais elle voulait cette expérience sauvage, perverse, en pleine lumière, suintant le foutre, la mouille, la sueur, la vulgarité. Une expérience qui serait à mille lieues des rapports millimétrés mécaniques dans le noir, suintant l'ennui et le vide qu'elle avait de loin en loin avec son mari. Elle voulait connaître cela au moins une fois dans sa vie. Et si le prix à payer pour se faire pénétrer par cet homme, pour qu'il la fasse jouir comme elle pressentait qu'elle n'avait jamais joui, c'était de faire également l'amour à cette femme, alors elle y consentait. Il fallait vivre ici et maintenant. Pour le reste, pour la suite, elle s'arrangerait. Elle expliquerait la situation au curé, il comprendrait, il lui donnerait l'absolution. Elle faisait 25 tartes aux pommes tous les ans pour la fête paroissiale, il lui devait bien ça. Alexia, qui, contrairement aux croyances de Madame Jolin, n'était ni horrible, elle était à vrai dire tout à fait jolie, ni vraiment lesbienne, elle n'avait jamais pratiqué, se contentant d'observer quand l'occasion se présentait de surprendre deux femmes entre elles, commençait à être très excitée. Elle avait déboutonné son jean, puis passé la main dans sa culotte. Stéphane glissa à terre la combinaison de Madame Jolin. Loin de faire des difficultés, celle-ci accompagnait ses mouvements. Elle voulait être nue pour lui, puis devenir sa chose. Elle se retourna, se mit à genoux, se saisit de la braguette de Stéphane. Il lui fallait son sexe en bouche. Elle, qui n'avait jamais sucé son mari qu'à la demande de ce dernier, peut-être une dizaine de fois en 25 ans de mariage, et ce uniquement quand elle sentait que refuser de le faire serait un manquement à son devoir conjugal. Stéphane la repoussa. « Non, pas moi. Tu vas aller chez Alexia pendant que je te lime la chatte, compris ?»« Oui, maître. » Le mot lui était venu spontanément. Stéphane et Alexia se déshabillèrent. Ils bandaient dur. Et comme il l'avait précisé, se mit à limer la chatte de Madame Jolin. Alexia, assise par terre, contre le canapé, écartait les jambes et offrait sa vulve trempée de mouille à sa voisine. Celle-ci, tout à son bonheur de se faire prendre, lapait avec passion. Elle découvrait qu'elle aimait ressentir la vapeur moite et chaude qui montait à ses narines, le goût de la mouille. C'est donc ainsi? Cela sent si bon, une femme? Pourquoi Hubert a-t-il toujours refusé de me faire ça? Pire, il avait refusé en faisant sa mine dégoûtée. Madame Jolin jouit vite et fort, émergeant de l'entrejambe d'Alexia pour crier son bonheur à ses nouveaux maîtres. Stéphane, qui était encore loin de sa propre jouissance, saisit l'occasion pour repousser encore les limites de Madame Jolin, cette bonne bourgeoise catholique. « Maintenant, je vais t'emboutir le cul comme t'emboutis celui de notre caisse. » Au début, M. Jolin avait mollement essayé deux ou trois fois de passer par là, mais elle s'y était toujours opposée. Désormais, c'était une autre affaire. Non seulement elle ne s'y opposait pas, mais elle voulait tout essayer. Stéphane n'eut qu'à travailler l'anus de Mme Jolin avec ses doigts avant de pouvoir y entrer, son pénis abondamment lubrifié de mouille. Et elle jouit par le cul. Elle y avait été aidée par Alexia, qui s'était glissée sous elle pour enfin goûter à ses grosses mamelles. Leur voisine de palier avait adoré ça, se faire téter les seins par une autre femme. Elle était devenue une autre Madame Jolin. Elle n'avait plus rien de la bourgeoise hautaine ni de la femme stressée qui avait sonné à leur porte. Stéphane sortit son sexe quasiment prêt à éjaculer. Il se branla quelques instants devant Alexia et Madame Jolin, qui s'embrassaient goulûment. Puis il demanda à leur voisine de le sucer. Elle avala, ne laissant à Alexia que quelques gouttes à lécher. Ils s'accordèrent un moment de repos. Madame Jolin réfléchissait. Elle ne voulait pas revenir à sa vie sexuelle d'avant, quasi inexistante comparée à ce qu'elle venait de découvrir. Aussi, elle suggéra d'inviter M. Jolin à partager une prochaine session. Comme ça, il serait sûrement disposé à trouver l'argent pour les réparations. Stéphane et Alexia protestèrent en cœur contre cette idée. Non, certainement pas ce vieux raseur. Qu'il reste chez lui à boire de la camomille en lisant son journal. On s'arrangea autrement. Mme Jolin signa une reconnaissance de dette et de responsabilité à ses voisins, qu'il ne diffuserait qu'en cas de problème. Il paierait les réparations et en échange, Madame Jolin devait se débrouiller pour trouver une excuse sur simple demande afin de les rejoindre pour leur servir d'esclaves sexuels. Madame Jolin espérait que cela arriverait très vite, mais elle n'avait pas à s'en faire. Stéphane réfléchissait déjà à un endroit discret où promener leur nouvelle chienne en laisse.